100% francês com Ricardo de Matos. Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do 100% Francês, que começou com o grande Serge Gainsbourg, no seu último trabalho de 1987, Os Enfants de la Chance. E na edição de hoje, ainda vamos ouvir daqui a pouco uma descendente de Serge Gainsbourg, mas para já um exclusivo do 100% Francês. Chiara, Calari. Il y a de l'ineffable dans cette Afrique australe. Mon sang s'y enlate, affaissé bagage. Il y a du rêve qui défile, les récifs, les naufrages. un verre de champagne, le 4x4 démarre. Calaoui, l'émotion est tenace, mes larmes bêtes et nues et cuivent dans les sables. Calaoui, on est sur leur trace, la paille se déplace, un impala nous regarde, au loin tonne l'orage, la poussière nous fait des masques, le cœur bat la chamade de cette heure sans âge, il nous reste des traces. Calaoui, l'émotion est tenace, mes larmes baignent et nues et cuivent dans les sables. Calaoui, du Botswana à South Africa, j'ai visité ces théâtres où le sauvage se drape, du prime time en chair en l'air. Dans les airs l'avion s'éloigne, déjà au loin le bouche me manque, je laisse un peu de moi, un peu de moi. Calaoui, l'émotion est tenace, mes larmes baignent et nuit et cuivent dans les sables. Calaoui, dans mon n'est plus qu'un jeu. Oh, secours. Mais sache ce que tu veux. Et c'est tout. La vie n'est plus qu'un jeu. O ritmo e alguma ferocidade por parte de Julien Deville. La vie n'est plus qu'un jeu, diz. Primeira novidade da semana, chegar agora ao 100% francês com o novo trabalho de Olivia Ruiz, que vem confirmar esta senhora como uma referência atual do mundo da música. O álbum Miss Meteor oferece agora Belle à Encrever. Je voudrais juste une fois caresser ta peau blanche. La faire glisser entre mes doigts de ta nuque jusqu'à tes hanches. Sans en venir. matin clair dans deux pièces célibataires depuis un bail. Jeune femme, état quasi neuf, tout juste 25 ans au compteur, deux, trois éraflures à fleurs, deux capots voudraient repartir à zéro. Tinha prometido que iríamos ouvir por aqui uma descendente do senhor que abriu o 100% francês desta semana, Serge Gainsbourg. Foi a sua filha Charlotte Gainsbourg em participação na banda sonora do filme Love, etc., de 1996. E agora com o senhor que está encarregue atualmente de passar a mensagem ao próximo, na promoção do 100% francês, é Ridane. Passa a ton voisin. Quand j'étais gosse, je rêvais de tout, de pouvoir voir de près la lune, de gambader un peu partout, de voir ce qui se cache derrière les dunes. J'ai même rêvé d'être agriculteur, de vivre là-haut entre ces deux fleurs, les yeux béants restés rivés sur les couleurs d'un arc-en-ciel. J'avais la bouche en forme de cœur, j'embrasse une vie au goût de miel. C'était un monde imaginaire, je croyais même au bon homme vert et au petit lutin. Matin, un lutin m'a dit tout est possible, que tous les rêves du monde te seront accessibles. C'était la voix d'un sage qui ne veut que ton bien. Écoute son message et passe à ton voisin. Et passe à ton voisin. J'ai fait

viagem inesquecível de 1996 e que deu a conhecer nesse ano os Lilliecube. Ainda tinha reservado para si mais uma novidade para a edição de hoje. É um grupo de Tours, na França, e é constituído pelos irmãos Frédéric e Olivier Volovitz. Como nome artístico, deixam cair o Vitz e ficam assim conhecidos por Volo. Aí está o álbum chamado En Attendant, com um tema que faz jus ao dia de hoje, Dimanche. Até já. Si je nous résume quand il fait beau, quand il fait gris, ça marche aussi. Si c'est l'hiver, les gros manteaux, plutôt l'après-midi. Si je nous résume quand on se compte, parents, frange à nous les enfants, des gens qui s'aiment, qui se racontent de temps en temps. Et le dimanche, on se promène, main dans les poches, si loin, si proche de la semaine prochaine. Et le dimanche, on se promène, main dans les poches, si loin, si proche de la semaine prochaine. Si je nous résume, c'est des petits chemins, de la forêt, le bord d'un lac, les centres-villes, les places, les jardins, les parcs. Si je nous résume, c'est du vélo, une bande de potes, un cerf-volant, un bord de mer, les pieds dans l'eau, de temps en temps. Et le dimanche, on se promène, main dans les poches, si loin, si proche de la semaine prochaine. Et le dimanche, on se promène, main dans les poches, si loin, si proche de la semaine prochaine. Si je nous résume, ça fait du bien de se retrouver en accolade, à discuter de tout, de rien, le chien, la balle et la balade. Résume, on se sourit quand on se croise et c'est souvent des gens différents en toute une vie de temps en temps. Et le dimanche, on se promène, main dans les poches, si loin, si proche de la semaine prochaine. Et le dimanche, on se promène, main dans les poches, si loin, si proche de la semaine prochaine. Si je nous résume quand il fait beau, parents frange à nous les enfants, un bord de mer, les pieds dans l'eau, de temps en temps. Et le dimanche, on se promène, main dans les poches, si loin, si proche de la semaine prochaine. Francês. Parabéns a Vita, faz hoje 27 anos. Vita, toi, 2007. Viens, je suis prête à donner tout ce que j'ai appris, pour qu'il devienne enfin comme si j'étais ce qui manquait à sa vie. Sans qu'il le goût des choses ne lui viendrait, que je veux, mais toi, même si les autres tournent autour, autour de moi, sans l'expliquer, je n'ai Dieu que pour toi. Regarde-moi au moins une fois, et tu verras sûrement ce que je vois. Même si les autres tournent autour, autour de moi, j'ai beau lutter, je n'ai Dieu que pour toi. Regarde-moi encore une fois. Puis j'ai tenté de m'approcher, de séduire sans y laisser ma vie, qu'il me voit sans trop m'exposer, qu'il rêve de moi comme moi la nuit. Puis voilà l'homme que je cherchais, qui me regarde puis disparaît, sans avoir saisi mon cri, reprend sa route et m'oublie. Pour lui dire qu'il me plaît, sans lui faire peur, je ne veux pas qu'il s'enfuie. Pourquoi les autres m'aimeraient, sans raison faire, c'est lui que j'ai choisi. Je veux qu'il sache que je fais tout ça pour qu'il entre enfin dans ma vie. Même si ça lui déplaît, s'il fera qu'à moi, c'est toi, et pas un autre que je veux, mais toi. Même si les autres tournent autour, autour de moi, sans l'expliquer, je n'ai Dieu que pour toi. Regarde-moi au moins une fois, et tu verras sûrement ce que je vois. Même si les autres tournent autour, autour de moi, j'ai beau lutter, je n'ai Dieu que pour toi. Regarde-moi encore une fois. Entonces, hay tantas cosas que quiero decirte, pero cada vez no me miras. Yo no entiendo por qué no me ves. Así voy a pedírtelo solamente una vez. Cuando vengo, mírame. Une fille pas comme les autres. 2009. Par-delà les fous, les regards qui fuient, j'arrive toujours où on ne m'attend pas. Regarde-moi, là où j'ai grandi, on m'a appris à garder le silence quand je ne sais pas. Ne m'entends pas. Toujours. Pas de celle qui fume, qui boit, pourtant j'assume ma grande gueule, que ça leur plaise ou pas. C'est pour plaire à tous ceux qui n'en ont rien à foutre. Non, moi je ne pense pas. Et puis ça change quoi? Si tu marches avec moi, reste ici dedans. Pas de passer devant toi. Non, non. Si tu prépares un coup, je le fais. Si tu marches avec nous, je le sais. Des filles comme moi n'attendent pas. Non, moi je suis une fille pas comme les autres. Une fille pas comme les autres. Une fille pas comme les autres. Une fille pas comme les autres. Je me sporte, garçon, la vitesse et l'action. Je n'y peux rien, j'ai grandi comme ça. Tu m'en veux si je n'envie pas ton bolide. Non, mais j'ai le meilleur plus rapide. Ne me regarde pas comme ça. Mon séjour potier, c'est sport, injection. Avec des formes en option. Enfin, tu n'encaisses pas. Certains ne me supportent pas. Si j'avais grandi dans d'autres conditions, je n'aurais sûrement pas écrit cette chanson. Ça t'énerve, j'aime les films d'action. Le genre de fille qui fait si faire au jeu. Si tu marches fond. Avec moi, reste ici dedans. Pas de passer devant toi. Non, non. Si tu prépares un coup, je le fais. Si tu marches avec nous, je le sais. Des filles comme moi n'attendent. Pas te passer devant toi, non, non. Si